Le jeudi 8 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'homme d'affaires et philanthrope Pierre Lassonde quitte le Musée national des beaux-arts du Québec. Après 11 années d'implication, il quitte son siège de président du conseil d'administration. L'homme de 69 ans s'est grandement impliqué dans la construction du nouveau pavillon qui porte son nom. Grand collectionneur d'art, Pierre Lassonde avait fait un don personnel de 10 millions de dollars pour la réalisation du pavillon Lassonde. 1 400 $ en deux heures, c'est la somme qui a été récoltée ce matin grâce à la participation de CKRL à la grande guignolée des médias. Les bénévoles de votre station qui étaient postés de 7h à 9h au coin de la 3e avenue et de la 4e rue pour recueillir les dons. Avec leurs collègues de Télé-Québec et du journal Le Carrefour, les fonds seront remis à l'organisme Moisson Québec. La Ville de Québec veut faire du futur méga-hôpital de Limoilou le premier centre hospitalier carboneutre. Le maire de Québec, Régis Labeaume, propose d'agrandir son incinérateur près de l'hôpital et d'utiliser cette énergie pour la climatisation, le chauffage et l'électricité. La vente de cette énergie à l'hôpital de l'Enfant-Jésus pourrait rapporter de l'argent à la Ville de Québec. En attendant, il prévoit injecter 600 000 $ d'ici 2019 dans une étude de faisabilité. Enfin, la Maison Dauphine hébergera dès le mois prochain les jeunes itinérants les nuits de grand froid. Selon le journal Le Soleil, l'organisme pourra accueillir une dizaine de personnes ainsi que leurs animaux de compagnie pour la nuit, en plus de leur offrir le déjeuner le matin. Le directeur général de la Maison Dauphine explique que le nombre d'itinérants de moins de 30 ans est en croissance. Ces jeunes semblent s'identifier davantage à la maison de la rue d'Auteuil que d'autres organismes où la clientèle serait plus âgée. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est une faible neige qui tombe sur Québec présentement et on a 1 degré. On attend entre 2 et 4 cm aujourd'hui selon les secteurs. C'est venteux également avec des vents du sud-ouest de 20 km/h et des rafales à 40. Le maximum prévu aujourd'hui est de 1 degré. C'est ce qui fait présentement. Ce soir et cette nuit, les averses de neige cessent en cours de nuit. Il fera moins 8. Demain, vendredi, un maximum à atteindre de moins 7 degrés. Ce sera généralement nuageux. Pour la fin de semaine, c'est très ensoleillé avec moins 7 degrés samedi et moins 9 dimanche.